nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça, mon petit balai? Je suis vraiment un gros tadou. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Oh, je ne cherche pas à te vexer. J'ai simplement à te faire comprendre ce que t'as pas compris. Car tu ne l'as pas compris, c'est ça le plus fort. Bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ils ont toujours raison. Mais c'est pas de mauvaise haine, Mario. Je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chenille. Vous ne le faites pas. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bonjour et bienvenue pour votre nouvel épisode de la guerre des claps. Bonne année. Bonne année. Et vous avez entendu les voix de mes nouveaux... De mes nouveaux. Pourquoi de mes nouveaux? Alors je m'appelle Daniel, je suis nouveau dans l'équipe. Vous avez entendu la voix de mes compères, je suis entouré de Nécro. Salut. Et Issam. Salut. Arthur n'est pas avec nous. Arthur, pour diverses raisons du fait de se lasser, de faire des podcasts, le fait que ses études lui prennent pas mal de temps, le fait aussi que normalement l'année prochaine, lui aussi déménage, décidément, les déménagements sur Paris s'enchaînent, il quitte l'aventure Guerre des Claps et l'aventure Casse sur Table également. Oui, je croyais que tu avais dit c'est parce qu'il votait En Marche. Enfin, j'ai mal suivi. Alors ça, c'est les raisons qu'on va garder pour nous. Ah d'accord, pardon. Après, on récupère sa part de la paye, hein, donc... Quelle paye? Parlons du Tipeee. Alors... Bah, qui est là depuis 3 ans, hein. On t'a pas prévenu, Chris, mais vous savez, voilà, on a géré pour toi. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode de la guerre des claps, nous allons vous parler de L'Armée des Ombres, film adapté du roman de Joseph Kessel, écrit en 1943, réalisé par Jean-Pierre Melville, film franco-italien d'une durée de 139 minutes. Et on va se regarder tout de suite une petite bande-annonce. Le mot aimer n'a de sens pour moi que s'il s'applique au patron. Je tiens à lui plus qu'à tout. Plus qu'à tout, mais moins qu'à la vie. Luc Jardy disparaissant, je voudrais tout de même vivre. Et je vais mourir. Et je n'ai pas peur. C'est impossible de ne pas avoir peur quand on va mourir. C'est parce que je suis trop borné, trop animal pour y croire. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais. Quelle découverte. Et comme elle plairait au patron. Il faut que je l'approfondisse. Il faut... Abteilung! Halt! Erste Reihe, vorwärts, Marsch! Messieurs, avant d'aborder en profondeur L'Armée des Ombres, je vous propose un petit tour de table rapide comme on l'a fait pour les précédents films. Et si nous commencions par Nécro. Très bon film, qui est bien fixé en son époque, mais qui fait très moderne en même temps. Qui prend le temps de se poser, c'est-à-dire ce qui pourrait être semblé, ce qui pourrait être pris vraiment pour des grosses longueurs dans des films de cette époque-là, là ça ajoute vraiment un climat de tension. C'est lié à beaucoup de petits éléments dont on parlera après. Et non, très bonne expérience. Les acteurs, en plus le casting est génial et tout, enfin rien à redire. Ça va ? Très bon film aussi. Ce que j'aime particulièrement de L'Armée des Ombres, et on aura l'occasion d'y revenir, et qui le rend un peu atypique pour un film sur la résistance, c'est de ça que traite le film, on ne l'a pas précisé, c'est que finalement il y a une représentation très anti-héroïque des résistants, c'est-à-dire à aucun moment ils ont de gestes de bravoure particuliers, ou alors quand ils vont en avoir, ça va plutôt échouer, ça va plutôt être inefficace. Donc j'aime beaucoup ça, et comme l'a dit Nécro, la performance d'acteurs, Lino Ventura en tête, ils sont tous extraordinaires. Melville, c'est un réalisateur brillant qui arrive à transmettre des ambiances assez exceptionnelles au travers de ses films, donc c'est aussi un film que j'aime beaucoup. Et toi, Chris? À chaque fois, c'est le souci quand tu passes dernier, quand on demande de faire un tour de table rapide, c'est que bah, les autres ont déjà fini. C'est encore une fois le cas ici. Effectivement, Le casting est absolument dingue, Lino Ventura, Simon Signoret, parce qu'on les a pas, on les a pas nommés, Jean-Pierre Cassel, Paul Meurice, ils sont tous extraordinaires dedans. Question à la con, il y a un lien avec Guillaume Meurice? Je ne sais pas, mais en revanche, il y a un lien avec Théobald Meurice. C'est qui? C'est le chef décorateur. D'accord. Qui s'est occupé des décors de l'Armée des Ombres, qui est le neveu de Paul Meurice. D'accord. Et qui... acteur du film, voilà. Et qui a fait un plutôt bon boulot, hein, parce qu'il y a... Ouais, non, il y a pas mal de reconstitutions, il y a pas mal de trucs qui ont dû être faits. Les décors sont très jolis en... Ils sont crédibles. Théobald Meurice, c'est un bon décorateur qu'on a retrouvé chez... beaucoup de fois chez Blier, notamment, et qui a été nominé quelques fois aux Oscars sans jamais... aux Oscars, au César, sans jamais le remporter. Sur quel Blier, tu as des infos? Alors, il a été nommé trois fois, donc, au César, pour Sale Rêveur de Jean-Marie Perrier, en 1979, Buffet Froid, donc de Blier, ouais, en 80, et également... Point de Blier, Trop belle pour toi, en 1999. J'aurais tardé justement sur sa participation à Buffet Froid, parce que je trouve qu'on retrouve dans les deux des décors beaucoup trop vides. Enfin, c'est volontaire dans la réalisation, hein, mais les décors donnent vraiment une impression de vide, de tristesse, qui est commune à Buffet Froid et à L'Armée des Ombres. Je pensais pas un jour comparer ces deux films. Et pourtant, L'Armée des Ombres, en tant que film, emplit une tristesse absolue, ça se pose là. Oui. Mais disons que L'Armée des Anges, je le prenais pour vraiment une démarche réaliste où, disons qu'en fait, il y a beaucoup de décors qui, enfin, dans la vraie vie, on va dire, qui sont vides, où t'as juste quelques trucs comme ça. J'ai trouvé ça très réaliste. Mmh. Oui, et puis surtout là, ça participe à isoler les personnages. C'est un thème sur lequel on reviendra, mais ça, le film traite beaucoup de l'isolement de ces personnages qui, finalement, même s'ils forment un groupe de résistance, sont quasiment tous tout seuls face à leurs secrets, face à leurs peurs, face à la mort. C'est ça, on l'a pas dit, mais le pitch du film, si on peut appeler ça un pitch, parce que c'est vraiment plutôt une succession de mésaventures de ce groupe de résistants qu'on suit, groupe de résistants, j'allais dire, dont est à la tête Lino Ventura, mais non, c'est plutôt un haut placé de ce groupe-là, c'est pas lui qui est à la tête du groupe. Mais c'est le personnage principal qu'on va suivre pendant tout le métrage. Au début, il est pris par la Gestapo au tout début. Alors qu'il essaye de s'échapper d'un camp prisonnier pour ensuite être libéré par ses camarades. Non, il arrive à s'échapper tout seul la première fois. Oui, la première fois, il s'échappe tout seul avec une filouterie dont on va parler. Dont on va reparler dans le côté anti-héroïque du film, pour ce moment. Bah, il fait crever quelqu'un pour ça, je m'y attendais pas. J'ai regardé la scène deux fois en me disant non, il y a vraiment ça là qui vient de se passer. Ouais. Mais donc, ouais, les débuts. Je pense qu'on pourrait commencer par parler de la réalisation d'abord, parce que tu en as parlé d'une réalisation lente, typique de Melville. Au final, une réalisation pas tant facile, lente, mais surtout pleine de plans. Très étiré dans le temps, beaucoup de conséquences, notamment dans ce fameux camp prisonnier où il est au tout début, quand on voit qu'il fait sa petite exploration du camp, et qu'il analyse tous les différents groupes qui sont avec lui dans le plan, qu'il imagine un plan d'évasion. Très bien aussi au niveau du montage sonore, cette scène, parce qu'il dit qu'il y a des gens de toute nationalité dans le camp, et t'entends des extraits de conversations dans plein de langues différentes. Oui, on nous dit qu'il y a des Tziganes, des Italiens, un petit peu tout. Une réalisation sobre, au final, mais comme l'est la majorité du cinéma de Melville. Ouais, après, sobre, mais il y a toujours chez Melville, je trouve, une force de la réalisation. Enfin, j'ai pas vu tous ses films, mais dans tous ceux que j'ai vus, j'ai vraiment l'impression que c'est qu'il veut filmer des personnages totalement seuls, totalement isolés. Même dans Le Samouraï, son précédent film, on retrouvait ça. De long, j'avais l'impression qu'il était toujours, limite, tout seul dans la ville, par moments. Et c'est, L'Armée des Ombres me fait la même impression, c'est gris, c'est terne, c'est triste, c'est très beau, hein. Visuellement c'est hyper léché ce qu'il fait, ouais. Melville, mais il y a une impression de tristesse qui se dégage de ces images. Pour moi, on y reviendra après qu'on ait donné la parole à Nécro, mais pour moi c'est l'un des gros points en plus du manque d'héroïsme que tu évoquais tout à l'heure. Nécro ? Juste, on va poser le contexte quand même. On est sur la France coupée en deux avec les drapeaux, avec les portraits de Pétain dans les bureaux. on a oublié le contexte. Donc, Deuxième Guerre mondiale, au moment où la France est en partie allemande et en partie encore française, mais France occupée. Nécro vient de parler des portraits de Pétain et il y a deux minutes il disait que le chef décorateur était bon. Je vous laisse faire les liens à sa pause. Arc. Mais oui, non, voilà, le contexte est assez important pour savoir où on se trouve au niveau de la résistance, parce que ça veut dire que c'est pas tout à fait vers la fin, c'est plutôt... Ça se passe sur les années 42-43. Ouais. Voilà. Et donc c'est une époque où c'était encore difficile d'être résistant, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont dit résistants vers la fin, au moment où ils étaient pliés, mais là, c'était... ceux-là, ils en chient un peu plus, quand même. D'ailleurs, tu disais que le roman de Kessel, j'avais pas fait gaffe, avait été écrit en 43, et finalement, ça participe peut-être pour se dire que Kessel a écrit son roman au moment où la France n'était pas encore libérée, donc ça participe peut-être à l'ambiance, j'imagine, du livre et du film. C'est en suspens total, il n'y a aucun moment où on peut supposer que les Allemands vont finir par être repoussés, il n'y a rien qui l'indique dans le film. Oui, c'est un film très, très crépusculaire. Hein. Ouais. C'est... À aucun moment tu ne t'attends à une fin glorieuse, joyeuse, voilà. Et donc oui, pour en revenir à cet aspect de tristesse, c'est de tristesse et de solitude en fait, parce que c'est un film de guerre, mais c'est surtout pour moi l'Armée des Ombres un drame humain. On suit vraiment un groupe de personnages, tous plus ou moins attachants, il y en a plus que d'autres. Hein. Le personnage de Lino Ventura est quand même très à la limite. Quelle saloperie qu'il fait, on l'a déjà évoqué. Ouais, mais justement, je trouve que... Enfin, là, c'est le talent de Ventura aussi, je le trouve super attachant aussi, son personnage. Parce que chacune de ces saloperies va être plus ou moins justifiée par la mission qui s'est donnée. Et d'ailleurs, lui-même s'en veut à certains moments des saloperies qu'il fait. Mais c'est vrai que le film... je reprendrai après, désolé, c'est le temps que j'y pense. Le film commence sur deux saloperies de Ventura. D'abord, il est prisonnier, et pour s'échapper, il va en fait détourner l'attention en envoyant un autre prisonnier se faire shooter par les Allemands. Et juste après, il fait tuer celui qu'il a dénoncé, qu'il a trahi, donc il l'étrangle dans une maison. En plus, la mort est bien longue, parce qu'ils ne trouvent pas comment le tuer. Ils ne peuvent pas le tuer d'une balle, parce qu'il y a une famille juste à côté, donc ils sont obligés de l'étrangler. C'est bien long, c'est bien violent. Ces deux scènes-là, qui se suivent à quelques minutes d'intervalle, sont tellement pleines de tension. Ouais. Tellement... Le passage où il envoie... On va parler précisément de cette scène-là. Le passage où il envoie l'autre qui est avec lui dans l'espèce de consulat, on ne sait pas trop ce que c'est comme bâtiment, c'est une espèce de consulat allemand, et juste avant qu'il l'envoie... Donc il lui explique le plan, il lui dit qu'il va faire diversion pour que l'autre parte, pour lui permettre de s'échapper. Hein. Au final, c'est pas vraiment ça. Mais juste avant que le signal soit donné, il y a un long plan dans la salle où Melville fait un petit peu le tour de la salle, il filme, il s'éloigne un petit peu des deux acteurs. Il y a vraiment une tension qui monte, avec le bruit de pas d'un autre Allemand qui fait le pied de grue à l'extérieur de la salle. C'est une scène qui colle aux tripes, qui met une tension tellement incroyable. Et il y a aussi un très long plan sur l'Allemand, sur Ventura et l'autre prisonnier côte à côte sur le banc immobile. Bah, qui se font justement avec l'autre prisonnier qui fait un petit signe d'approbation, en genre oui, on va faire le plan que t'as dit. Et il faut deux signes d'approbation pour que Ventura commence à se lever et dire bon, bah, excusez-moi, monsieur le garde. Ce qui est intéressant, c'est que au début, on a une habitude des films de ce genre-là, et je me disais, surtout Ventura, moi j'ai l'habitude de le voir aussi en grand héros, donc la première fois que j'avais vu le film, je m'étais dit, c'est qu'il va réellement plus ou moins se sacrifier, bon, on sait qu'il n'est pas là pendant tout le film, mais il va vouloir se sacrifier pour l'autre, alors qu'en réalité, pas du tout, et je pense que ce long temps d'hésitation, c'est une hésitation à faire sa saloperie, justement. Alors tu vas bien sortir par la porte principale en passant par le hall, ouais, où il y a tous les Allemands, vas-y. Moi, je te couvre avec celui-là. Et s'ensuit après une course-poursuite. Alors, on ne voit pas d'Allemands le poursuivre, mais la tension fait qu'on ressent une course-poursuite. Une longue scène où on voit Ventura courir. Pareil, cette séquence-là. Alors que c'est juste un plan-séquence à la con où on suit le personnage qui court à travers la rue. Mais sous la neige, avec cette ambiance, avec ce qui s'est passé avant, surtout, c'est... Et qui va chez un commerce ouvert, et c'est un barbier, du coup, alors qu'il est quasiment galbre, il lui dit « Bon, je viens pour la barbe. » Et là encore, Melville réussit à mettre l'attention, mais ce réalisateur est incroyable, c'est avec une affiche de soutien à Pétain, et donc, à ce moment-là, toi, en tant que spectateur, tu te dis « Mais, il est, en fait, il s'est rejeté dans la gueule du loup, ou pas ?» Alors, soutien de l'affiche de soutien à Pétain, et la caméra qui filme aussi la vitre vers l'extérieur, et on entend les bruits des militaires à l'extérieur parce qu'il s'est passé quelque chose pas loin. Donc, Et puis la scène est silencieuse, il est chez un barbier, donc totalement dépendant d'un mec qui a un rasoir, ça dure longtemps, il le prépare. Barbier qui est joué par Serge Reggiani. Mm-hmm, tout à fait. Bravo pour l'enchaînement de ces deux scènes pleines de tension, parce qu'on pense vraiment du coup que qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce barbier va le dénoncer ? Bien entendu, non. La scène est quasiment muette en plus, c'est juste le barbier qui, quand Ventura va sortir, va lui tendre un autre manteau pour qu'il puisse échapper aux Allemands qui vont beaucoup moins le reconnaître. C'est justement là où on a confirmation que non, le barbier est plutôt un allié en fait, qui malheureusement, comme beaucoup de Français à l'époque, devait faire croire aux Allemands qu'il était pro-Pétain. Oui, et puis encore une fois, ça sera développé pendant tout le film. Il n'y a vraiment aucun personnage qui va être... Il y a un autre personnage très important qui va totalement cacher sa participation à la résistance. Mmh. Déjà, on apprend quelque chose sur le personnage de Lino Ventura, joué par Lino Ventura, c'est qu'il a des contacts. Il a des contacts un peu importants, et c'est quelque chose qu'on trouve dans son dossier de police, au début, où justement, il y en a un qui doit juger s'il a un traitement de faveur ou s'il va en prendre plein la gueule. Dans l'enfermement. C'est le moment un peu drôle du film. C'est la scène où on est dans les pensées du policier qui le regarde. Il en prend un traitement favorable ou il en prend plein la tronche ? Traitement favorable, parce qu'il a des gens qui sont autour de lui. Hein. Mmh. Peut-être un tout petit peu de gaullisme, donc là, il risque d'en prendre plein la gueule. Ah non, il y a aussi autre chose qui va en sa faveur. C'est là où il lui dit qu'il va le mettre dans une cellule réservée aux officiers. Oui. Vous êtes bien aimable. Il y a des petits moments de comédie comme ça, c'est très rare, mais il y en a quelques-uns d'humour très noir dans le film. Mais même cette première scène dans le camp de prisonniers, donc on revient avant qu'il s'échappe, on sent déjà qu'il est tout seul, parce que très vite on va être dans ses pensées quand il visite le camp, et la majorité du camp ne parle pas français déjà, donc il n'est pas capable de communiquer avec eux. Les gens avec qui il est, il les méprise tout de suite. Et... Mis à part le petit jeune qui est avec lui, les autres, ils sont ouais, encore, même le petit jeune, il va plus ou moins dire « c'est un débutant, je ne peux pas vraiment compter sur lui », il s'en rend bien compte, et les autres, ils disent « c'est des imbéciles, je suis avec deux idéalistes et trois imbéciles », je crois qu'il y a un truc et comme ça. Donc il n'y a même pas encore ce trope assez fréquent dans les films, normalement sur cette période-là, où les prisonniers résistants s'unissent les uns aux autres et font front ensemble. Mais il y a très peu de clichés, en fait, dans l'Armée des Ombres. Ouais. Il y a très peu de clichés, et surtout Melville... Alors, l'Allemand avec un monocle, quand même, peut-être, il a un peu abusé, là, Melville. Non, parce qu'il y avait Papa Schulz. Et qui écoute du Wagner, bon... Non, mais Melville ne fait pas du raccourci. Et... Quand c'est des gens, parce que Melville, c'est un film très personnel, Melville était lui-même résistant, lui-même fait partie de la résistance, quand on a vécu quelque chose comme ça, je pense que c'est facile de faire des raccourcis et d'écrire un texte où, en gros, les Allemands, c'est tous des enfoirés. Or, dans ce film, l'ennemi, c'est pas l'Allemand. L'ennemi, c'est le nazi, l'ennemi, c'est la Gestapo, et l'ennemi, c'est le traître. C'est pas l'Allemand, l'ennemi. Bah, de toute façon, c'est... Il n'y a pas de pléonasme, il n'y a pas d'amalgame. Dans l'Armée des Ombres. De toute façon, c'est dit dès le début dans le camp, quand il parle des différents, justement, il parle des Allemands qui sont contre le régime nazi. Ils font partie du... Voilà, ils sont aussi dans le camp. Y a qu'un Allemand foncièrement méchant dans tout le film, c'est un exécuteur qui tire à la mitraillette et qui fait croire aux prisonniers qu'ils ont une chance s'ils courent assez vite pour atteindre un mur avant de se prendre une balle. C'est le seul Allemand qui est vraiment sadique, qui est vraiment méchant. Les autres, c'est des mecs qui font leur boulot. Ouais. C'est le même qui fait les interrogatoires, je crois, en plus. Ouais, mais tu le vois même, tu le vois jamais interroger les gens, tu vois les résultats de ces interrogatoires, mais tu le vois jamais donner un coup. C'est ça. Bref. C'est un film d'une extrême violence, mais en fait, où visuellement, il n'y a rien de violent. Ouais. C'est ça qui est très fort aussi, et c'est ça qui joue avec tous ces moments de tension, et tout ce qu'on peut ressentir en visualisant... L'Armée des Ombres. Ce qui est aussi présent dans la scène où justement où Lino Ventura tue le traître, finalement ce qui est très long c'est la préparation. Le moment où il l'étrangle dure quelques secondes, beaucoup trop court d'ailleurs normalement pour que ça marche en réalité. C'est très dérangeant. Mais c'est très dérangeant parce que t'as eu toute cette montée. Et tu sens que les personnages sont pas bien surtout après ouais. ça. Ouais, t'as eu cet échange que je trouve génial parce qu'ils sont avec un petit nouveau qui a demandé une mission difficile pour faire ses preuves et qui dit mais j'ai jamais fait ça moi. Et t'as les deux autres qui répondent mais à nous voir comme ça tu crois qu'on l'a fait nous. Voilà. Et c'est Ventura, enfin le personnage de Ventura lui dit vous avez demandé quelque chose de difficile, voilà. Ouais. Il est trop tard pour reculer maintenant. J'aime beaucoup ce petit humour cynique. Ils disent devant le mec qui n'est pas attaché en plus. Le mec qu'ils vont buter n'est pas attaché, oui. Il est dans la pièce, il entend tout. Putain, mais on n'a pas de silencieux là. Les Anglais nous envoient pas les silencieux qu'on demande. On va voir si tu trouves pas un truc dans la cuisine qui pourrait nous permettre de le buter. Un torchon. Ouais, on va l'étrangler avec le torchon. À un moment, il parle du bison, donc un autre personnage, et comme quoi il aura un gros couteau. On va peut-être attendre qu'il revienne. Non, il faut qu'on fasse ça maintenant, je suis pressé. Ce qui donne une certaine image du bison qui, quand on le voit, est aussi un type parfaitement normal. Oui. Le bison, donc, c'est le personnage qui les a déposés en voiture juste avant, qui, oui, est une grosse masse de muscles, mais qui, au final, est loin d'être le personnage le plus salaud du film. Ouais, et puis il est vachement intelligent, c'est un bison futé. Vu que c'est le chauffeur, il vaut mieux. Oui, en plus. Ça vient peut-être de là. Alors, je crois pas. On va noter l'importance aussi du personnage qui est avec Lino Ventura à ce moment-là, et celui qui a la tête sur les épaules, qui n'a pas peur. De se salir les mains aussi, qui est un personnage qui est vraiment un ami proche, on va dire, du personnage de Lino Ventura. Ça a une importance, le rapport entre les deux, pour la suite. Qui était capitaine à l'époque de la guerre. Il aime pas trop les alligators et les réveils. C'est fort, on s'attache à peu près à tous les personnages qu'on voit dans le film aussi, ça c'est fou. Le personnage de Simone Signoret aussi est super attachant. Ils sont tellement tous bons. Signoret, le personnage de Signoret, ce qui est très intéressant, et c'est quelque chose qu'on apprend au bout d'un moment dans le film, c'est que alors que tous, on dirait que leur seule raison d'être à tous, c'est la résistance. On dirait que c'est vraiment, c'est ce qui les fait avancer, c'est ce qui les fait vivre. Sans la résistance, ils sont rien. C'est aussi ce qui joue sur le côté tristesse et solitude des personnages. Alors que Signoret, au bout d'un moment, on apprend qu'elle a un passif, qu'elle a une famille, qu'elle a une fille, ce qui va conduire à la fin dramatique de l'Armée des Ombres. Mais du coup, c'est la seule qui a une encre à laquelle s'attacher, contrairement à tous les autres. Ouais. Ouais, et puis elle a l'air plutôt bien intégrée à la société, la France occupée. Elle parle bien allemand, elle présente bien. Tous les personnages sont ultra respectueux envers elle. Mmh. Parce que on nous fait rapidement comprendre que c'est quelqu'un d'important dans la résistance. Ouais. Déjà que Simone Signoret, elle en impose. Elle a quand même un putain de charisme qui crame l'écran, quoi, dès qu'elle apparaît. Mais le talent incroyable de Lino Ventura, qui, avec ce film-là, montre tout le professionnalisme qu'il avait, puisque Lino Ventura, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que... Il était pro-allemand. Non, c'est pas ça. C'est qu'il détestait de toute son heure, de tout son être, Melville. Oui, ils s'étaient pourris sur une de leurs précédentes collaborations. Sur la seule collab qu'ils ont eu. Sur le deuxième souffle. Où en fait, une scène où Lino Ventura courait après un train en marche, et voyant qu'il le rattrapait un petit peu facilement, Melville a dit au mec qui faisait rouler le train, il a dit « accélère un petit peu, remets un coup ». Et bah, du coup, Lino Ventura a réussi à rattraper le train, mais en étant essoufflé, et il a pris ça pour un aveu de Melville, hein, comme quoi il lui faisait pas confiance, en gros. Genre, je vais te pousser à bout pour que tu joues mieux. Oui. Et, depuis ce jour, ils ne peuvent pas se saquer. Ventura est dans l'Armée des Ombres parce que, contractuellement, il était obligé de faire un deuxième film avec Melville. Voilà. Mais apparemment, même s'ils ne pouvaient pas se saquer, ils avaient un respect pour l'un pour l'autre, parce que Melville a voulu réemployer Ventura après pour le Cercle Rouge. Mais du coup, c'est Ventura qui a dit non. Je pense que c'est Ventura qui a dit non, ou alors il était peut-être occupé. Je ne sais pas si c'est le rôle qu'a tenu Delon ou le rôle qu'a tenu Bourville. Parce que le tournage de l'Armée des Ombres, c'était quelque chose. Hein. C'était, oui, ils ne se parlaient pas. Voilà. C'est-à-dire ils étaient dans la même salle, ils étaient à 2 mètres d'écart, et Melville donner les instructions à un collaborateur, allez voir Monsieur Ventura, dites-lui qu'il faut faire ceci, cela, alors que Ventura entendait tout, vu qu'il était à 2 mètres. C'est quand même assez incroyable, comment un tournage peut se passer comme ça. Alors, mais je crois que Melville devait être un mec assez difficile au niveau travail, parce qu'il s'est engueulé avec beaucoup de monde au cours de sa carrière. C'est ce que tout le monde dit, que Melville était exécrable sur les plateaux. Alors que Ventura a plutôt la réputation d'être plutôt une frère. Ventura, du coup, il y a eu une insulte de Ventura à l'encontre de Melville sur le plateau. Ah ouais ? Dans un contexte particulier ? Alors, dans un contexte très particulier, en fait, il y avait une scène de fin dans le film, à un moment, c'est la petite maison tout abandonnée, toute dégueulasse dans laquelle Ventura est pour passer les derniers moments du film. À un moment, il y a une scène où Ventura et le patron de son groupement de résistance sont attablés, et dans le fond, il y a un lit. Ce lit est plutôt bien éclairé, mais Melville, lui, aurait préféré qu'on le lit, on le distingue à peine. Pierre Lhomme, donc le chef photo de l'Armée des Ombres, lui, trouvait que l'idéal, c'était de garder le spot sur le lit, de ne pas le faire disparaître. Ils ont conclu, bon, on va tourner deux scènes, une sans spot, une avec spot. Et dans la salle de projection, c'est la scène tournée avec spot qui a été montrée en premier, et Melville dit, bah vous voyez, je vous l'avais bien dit. Ah oui, bon. Voilà. Et en fait, il s'est auto-approprié, à ce moment-là, du coup, le travail de Pierre Lhomme qui lui disait, mais non, avec le spot, ça sera mieux. Melville s'est auto-approprié ça, et à ce moment-là, paraît-il que Ventura s'est levé et a traité Melville d'enfoiré. Voilà. Alors, on peut appeler ça, pour les plus anciens d'entre nous, faire une Steve Jobs, voilà. Et aujourd'hui, une Elon Musk. Voilà, la légende voudrait qu'à ce moment-là, Ventura se soit levé et traité Melville d'enfoiré. De bel enfoiré. Moi, Melville, en fait, je l'ai connu principalement par par le Samouraï, mais j'ai vu Ghost Dog avant le Samouraï. Oui, qui est son remake libre. Ouais. Voilà. Et enfin, j'avais vu des bouts du Samouraï, mais pas en entier. Et bah, du coup, je connais le remake du Deuxième Souffle, donc okay. J'aimerais bien voir l'original. Ou pareil, déjà dans le remake, il y a toute cette idée de l'isolement, et il y a des longs passages où le héros est isolé dans une petite maison, donc c'est rigolo de parler. Un flic, non, par contre, j'ai vu le Cercle Rouge. Extraordinaire, un flic aussi. Hein. D'accord. Donc un flic, c'est son tout dernier, ouais. Son tout dernier long métrage. Avec Delon, c'est ça aussi, oui. Sur quoi on était juste avant? Bah, on était par sortie d'anecdotes relationnelles dans l'équipe, où là j'imaginais bien le réalisateur dire à l'assistant réel, lâche la cafetière là, c'est bon, est-ce que tu peux dire à Lino Ventura qu'il sourit un tout petit peu moins et qu'il s'affaisse un petit peu plus? C'est incroyable ces ambiances de tournage là, mais oui, apparemment Melville est... Melville, je pense, ça doit être le Stanley Kubrick français, en fait. Oui. Voilà, c'est... C'est un gros poissard aussi, je crois, Melville. Il y a eu des trucs sur certains de ses tournages assez dingues. Mm. Je crois que c'est sur le Samouraï où l'intégralité des décors ont cramé. Oui, exact. La vache. Il n'a pas de chance. Ouais. Pas de chance, hein, c'est le pyromane français de la deuxième moitié du 20e. Robert, pas de chance. Mais oui, L'Armée des Ombres, c'est un film ultra personnel pour Melville, on l'a dit. C'est un film dont il avait pas mal de fierté. C'est un film qui pèse son poids dans sa carrière. Il est très fier notamment de l'ouverture du film, le défilé des Allemands sur la face à l'Arc de Triomphe, qui est une scène visuellement qui a une classe mais incroyable. Enfin, son Melville, la composition des plans, c'est juste parfait. Oui, et puis pour le coup, bravo aussi donc à Philippe Lhomme pour son travail pour son travail sur la photographie qui est magnifique, alors que c'est souvent très sombre les images, mais alors, Pierre Lhomme, ça a été le directeur photo d'un film plutôt très connu, qui est Cyrano de Bergerac, avec Depardieu. Donc du coup, film qui lui aura apporté le César de la photographie. D'accord. Cyrano de Bergerac. C'est vrai qu'il fait souvent sombre dans le film. Il y a un temps dégueulasse, il pleut quasiment tout le temps. Mais l'image est toujours claire et nette. Et il y a toujours des trucs, des éléments de contraste qui font qu'on sait exactement quoi et où. On repère parfaitement le décor et les personnages. Alors que c'est très gris, bleu-bleuzâtre un petit peu. Ah oui, là au niveau de l'éclairage, ils ont dû se marrer la plupart du temps. Quoi. Bah, c'est... À la base, Melville et Lhomme pensaient tourner le film en noir et blanc. Alors je ne sais pas pourquoi au final la couleur a été choisie. À la base, c'était un projet qui devait être fait en noir et blanc. Peut-être parce que Melville s'est dit que finalement la couleur apportait encore plus une dimension à l'absence de contraste. Pour le coup, je ne sais pas du tout, je ne préfère même pas m'avancer, mais à la base, le projet était prévu pour être en noir et blanc. Je ne sais pas ce qui a changé cette... Parce que Melville, oui, c'était un homme qui aimait beaucoup prendre des décisions au dernier moment. Bah, avec le mixage son, la qualité d'image et tout ça, tu penses que là, pour le coup, l'avoir en noir et blanc, ça aurait été un petit peu dommage. Parce que c'est... disons que la couleur aussi participe vraiment à l'ambiance. Bon, après, il aurait peut-être travaillé ses plans autrement. Je crois que son précédent était en noir et blanc. Oui. Le deuxième souffle, c'est du noir et blanc. Mais voilà, cette version-là de film, je n'imagine pas autrement. C'est-à-dire, je l'ai vu comme ça. Maintenant, on me dirait... il a été colorisé, je dirais. Bah, il a été colorisé de façon parfaite. On n'y retouche pas, quoi. Il est très bien comme ça. Mais du coup, tu n'as pas fini par rapport aux Allemands, au défilé des Allemands. Pourquoi Melville était si fier de cette scène? Ah, bah, parce que... tout simplement... Une loi interdisait à toute personne déguisée en allemand de se trouver sur les Champs-Élysées. Tout simplement pour... j'allais dire pour le cinéma, mais à mon avis pour n'importe quelle occasion, en fait. Ouais. Je pense. C'était interdit. C'est pas la première fois, en fait, que dans un film, un défilé allemand a lieu. Ça a été fait avant Melville, mais c'était pas tourné en France, c'était tourné ailleurs. Et là, du coup, c'est la première fois, mais lui, là, alors, je ne sais pas comment il a fait, mais il a obtenu le droit de le faire. Ouais, il a dû faire chier les gens jusqu'à ce que ce soit plus simple de laisser faire que de continuer à lutter. Et si tu veux tout savoir, ce défi allemand, à la base, apparaît à la fin du film. En fait, pendant tout le film, Melville, enfin pendant toute la production du film et le montage, Melville a été tiraillé entre est-ce qu'il faut le mettre au début ou est-ce qu'il faut le mettre à la fin du film, en ouverture ou en conclusion. Au dernier moment, il a décidé de le mettre... En conclusion, le film sort en salle, les gens vont le voir, le jour de la sortie, Melville se dit non, en fait je préfère le mettre en début de film. Finalement, jour de la sortie, les gens vont voir le film, Melville se dit non, finalement je veux la scène en début de film. Il sort de chez lui, il va chercher la monteuse qui a bossé sur le film, donc Françoise Bonneau, et il l'intraballe à travers Paris, dans toutes les salles de cinéma, où il lui demande de couper la bobine à la fin pour recoller la séquence en début de la bobine. Voilà. Extraordinaire. Ça valait le coup, parce que je trouve que ça va mieux au début, et ça rend la fin très sèche, finalement, avec la fin finie. On peut spoiler, je pense. Oui, bah, oui, on va mettre le petit jingle, comme quand on rentre, on spoil. Ouais. Spoil total! De toute façon, après, c'est un film... On a un vrai jingle. Ah merde! On l'a dit, c'est un film qui finit en 1943, donc on se doute que c'est pas la fête. Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive. Tais-toi. Ta gueule! À la fin, ça finit sur 4... alors, ça finit sur 4 des résistants, donc Lino Ventura, Le Masque, Le Bison... et le chef de la résistance qui tue Simone Signoret, en fait, que les Allemands font chanter en menaçant sa fille, donc il la tue pour pas qu'elle les dénonce tous. Et après ça, on les voit tous les quatre dans la voiture, il y a le thème musical qui recommence, et il y a des cartons qui indiquent comment chacun est mort dans les mois qui ont suivi, parce que je crois que Le Masque et le Bison, il meurt fin 43, et les deux autres début 44. Ouais. Donc le Bison, je crois qu'il a été décapité à la hache, ce qui est assez beau quand même comme mort. Le Bison décapité à la hache, le premier fusillé, Le Masque. Le personnage de Lino Ventura ne court pas. Oui, alors ça c'est une référence à une autre scène du film sur laquelle on reviendra, qui est extraordinaire. Voilà. Et il y en a un autre qui a réussi à prendre... Saint-Luc, je trouve le carton magnifique, je ne sais plus comment c'est formulé, mais c'est... sous la torture, il ne donna qu'un nom, le sien. Ça, je trouve cette phrase magnifique. C'est très, très beau, ouais. Et aussi, Gerbier décida de ne pas courir. Cette fois-ci, voilà. Gerbier décida de ne pas courir. C'est beau aussi, ça. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, celui justement qui ne donne que son nom, ça donne une petite note héroïque, justement, qu'il détache un peu des autres. Je me demande si c'est pas ce qu'on dit de la mort de Jean Moulin, ça, qui n'a donné qu'un nom, le sien. Ah oui ? Je crois. Que le personnage est un peu inspiré de Jean Moulin, c'est un fait, parce que la décoration par De Gaulle et compagnie. C'est repris à ce qui est arrivé à Jean Moulin. Et je crois que cette mort, c'est plus ou moins inspirant. Le personnage qui a eu une écharpe tout le temps. Oui. L'écharpe, c'est le symbole de Jean Moulin. Ça aurait pu être Mitterrand. Hein. Non. Ou Christophe Barbier. Alors, anecdote. Nathalie. Anecdote que j'ai lue. Les gens. Dans la scène où De Gaulle apparaît, donc où il y a un acteur qui est déguisé en De Gaulle, les gens étaient hilars dans les salles, apparemment. Les gens trouvaient cette scène ridicule. C'est faut remettre à l'époque, hein, De Gaulle, mais c'était voilà. Très à jour, hein, quand il n'était pas encore mort ou alors il venait de mourir. Alors, si tu veux, on remet à l'époque, on parle de la réception du film à l'époque. Le film s'est pris une tollée critique. Ah la vache. C'est pas surprenant. Hein, parce qu'il est sorti post-mai 68. Melville, c'était un gaulliste affirmé. Oui. Il en était fier. Disons que c'était pas une période idéale pour... Voilà, pour une sortie de ce film-là qui prône la résistance à une époque où la résistance française et le rôle de la France pendant la Seconde Guerre mondiale était beaucoup remis en question. C'est pour ça que le film a été mal accueilli. Alors aujourd'hui, il a un statut, il a regagné le statut qu'il mérite, c'est-à-dire son statut culte, mais à l'époque, il a été mal accueilli. Ce qui est un peu, ce que je trouve un peu injuste envers le film, étant donné justement le portrait qui fait la résistance. Ça aurait été un film qui montre la résistance comme ultra héroïque et tous les Français comme ultra gentils. D'accord, mais justement, c'est pas du tout ce que fait le film. Donc, ah, mais du coup, les gens, je pense, n'ont même pas été le voir. Du coup, ils se sont pas aperçus, tout simplement. Ouais. Mais c'est 69, c'est une mauvaise année pour le cinéma. Il y a eu le festival de Cannes annulé par ce connard de Godard. Ouais, un peu trop. Et du coup, le film ne s'est pas exporté. C'est-à-dire, le film est sorti dans les salles américaines en 2006, donc il n'a pas très longtemps. Ah la vache. Il ne s'est pas exporté. En 2006, aux États-Unis. Ça a été vécu comme une grosse victoire pour les cinéphiles et les journalistes spécialisés à la sortie de L'Armée des Ombres au cinéma. Ça a été acclamé. Et en 2006, il a été élu film de l'année dans le New York Times. C'est étonnant, parce que c'est plutôt du gros fan de Melville aux États-Unis. Le samouraï a eu une énorme influence. Mais en fait, du coup, c'est la réaction des critiques et du public français qui, les distributeurs US, se sont dit « Bah non, on va pas prendre le risque de le sortir chez nous. » Erreur, ça a été pour eux. Mais voilà, au final, ils ont réussi à le découvrir et aussi ils ont redonné le statut qu'ils méritent d'avoir. Chose importante, dans ce film-là, il n'y a pas tellement... Alors ça se passe au niveau de la résistance, dans quasiment tous les films avec la résistance, c'est toujours le cliché de l'écoute de la radio, du général. Non, il n'y a pas tout ça, parce que c'est arrivé plus tard, déjà, au niveau des dates. Et du coup, effectivement, au niveau de Gaulle, ben, à part la décoration qui arrive à peu près au premier tiers du film, je crois... Ça n'en parle pas tant que ça, ça reste vraiment très, très ancré sur les plans en cours, les relations entre les gens et la solitude, et l'isolement. C'est ça, l'isolement, la solitude. Il y a un truc très bête, ouais, la radio apporte de la compagnie, elle apporte du son, et le film est très silencieux. Il y a des longues scènes silencieuses, sans musique, sans rien, où juste les personnages sont seuls face à eux-mêmes, face à leurs craintes. Mmh. Après, ça, pour le coup, l'absence de musique, ou tout du moins une musique très... en second plan, c'est quand même assez fréquent dans le cinéma de Melville. Oui, après quand elle est mise en avant, justement, elle est très mise en avant par contre. Le compositeur, rappelle-moi Issam. Éric de Marsan. Parce que tu es quand même le monsieur compositeur de cette émission. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de son travail Alors, déjà, Éric de Marsan, de ce que j'ai vu, c'est sa première BO en compositeur seul. Il a collaboré deux fois avec Melville, il a retravaillé avec lui après sur le Cercle Rouge en secours après que Michel Legrand ait été viré. Mmh. C'est un compositeur qui a été assistant de Michel Magne et de François de Roubaix sur Le Samouraï, pour François de Roubaix. Donc c'est comme ça qu'il a rencontré Melville, et on sent ces deux influences, je trouve, dans sa VO. On va dire que c'est construit autour de deux thèmes principaux, celui qui sert à Gerbier, donc qui est un thème au piano très mélancolique, qu'on entend plusieurs fois dans le film et qui a tendance à se déstructurer à chaque fois qu'il apparaît. Et un autre thème qui agit, je trouve, un peu en miroir inversé, qui est un thème aux cordes, qui sert à montrer la résistance, qui est notamment utilisée dans les moments de tension, mais qui, en fait, dans sa construction, est très proche du thème de Gerbier. C'est juste qu'il en est une variation beaucoup plus sombre, toujours repris aux cordes, beaucoup moins rythmique, beaucoup moins clairement rythmique. Donc toute la BO fonctionne sur l'alternance de ces deux thèmes, avec pas mal de dissonances. C'est une BO qui rappelle beaucoup, moi, surtout Michel Magne, et que je trouve très très bonne. Et donc, c'est, je crois, le seul compositeur avec qui Melville a collaboré deux fois. Tous les autres, il est viré ou bien un moment. Je crois qu'il y en a un autre, Soral, avec qui il... Soral, non pas Soral. Soral. J'écoute. C'est pas le même. C'est Jean Soral, je crois, qui a fait deux films, mais il y en a un, c'était en collaboration... Soral et collaboration. Ouais, je m'en suis rendu compte après. C'est bien, on a réussi à sortir Soral, collaboration et Pétain, le tout sans faire de blague. Non, c'est bien. Très bonne musique d'Éric de Marsan qui participe beaucoup à l'ambiance. Oui, la musique est très discrète au final, mais elle colle très très bien à ce qui se passe à l'écran. Il y a cette idée scénaristique que je trouve vachement intéressante. On suit un jeune résistant dans la première moitié du film qui s'appelle Jean-François. Qui est celui justement qui veut faire ses preuves dans la scène où ils étranglent le traître. Et à un moment, Jean-François va aller à Paris pour déposer des radios, et lors de cette scène, il va rendre visite à son frère, qui s'appelle Luc. Et donc, il se rend compte, et on rencontre un Luc qui est pas collabo, mais qui est le français qui se tient discret, qui dit rien, qui essaie de rester en dehors de tout ça, qui a peur des Allemands. Et quand Jean-François repart, il dit... je me sens plus proche finalement de résistants que je connais à peine que de mon frère Luc. Alors, et en fait, plus tard dans le film, on se rend compte que le Luc en question, c'est le chef de la résistance. Le chef de cette branche de la résistance, ouais. C'est lui qui se fait décorer par De Gaulle. Oui. Et que même Jean-François ne le savait pas, et Jean-François ne le saura jamais, parce que c'est un personnage qui meurt sans que personne le sache, et qui ne donne pas son vrai nom quand il se fait capturer par les Allemands. Et en plus, qui a son petit acte héroïque vers la fin. Jean-François Oui, au niveau du cyanure. Au niveau de... Oui. Oui. Donne le cyanure à l'autre. Voilà, où il dit « j'ai plusieurs pastilles de cyanure, t'en veux une ?» pour écourter la vie justement d'un qui est dans un sale état. Et en fait, en voyant sa main, on se rend compte qu'il n'en a qu'une. C'est-à-dire que lui, il va morfler, quoi. Ouais. C'est juste « je vais écourter ta douleur, mais moi, je vais crever. Hein. je vais en prendre plein la gueule. Bah, » Jean-François, qui est le plus héroïque du lot et le plus idéaliste du lot, déjà, pour ça, il se fait capturer tout à fait volontairement pour pouvoir prévenir l'autre qu'on va essayer de le libérer, la libération qu'il va rater parce qu'il est dans un tellement sale état qu'il est plus transportable. Et même l'interrogatoire qu'il a, la conclusion de l'interrogatoire est plutôt une scène assez jolie quand l'Allemand lui dit mais vous savez que si vous ne donnez pas votre prénom, vous mourrez dans l'indifférence générale. Ouais. Bah, c'est pas grave. Ça ne perturbe pas plus que ça. Sachant qu'il a élaboré son plan parce qu'il veut vraiment pas que ses camarades de la résistance le savent, donc il va faire une lettre où il dit « je fuis, je ne veux plus être de la résistance, j'ai pas le courage qu'il faut pour ça », et il va faire une lettre anonyme lui-même pour se dénoncer lui-même sous un faux nom. Autre scène extraordinaire, on a survolé tout à l'heure la scène où il faut courir. Oui. On le menace de se faire fusiller, on leur fait croire que bah, le premier qui arrivera au bout du mur, lui, on le fusillera pas, et il aura l'ordre de courir avec la prochaine équipe. Ah, elle est terrible, celle-là. Alors, c'est tellement cruel, c'est tellement malsain et cruel, mais la scène d'une puissance incroyable. Avec un Ventura déterminé au début à ne pas courir, et au final, heureusement qu'il décide de courir, car c'est à ce moment-là que Signoret et le Bison vont intervenir pour le sauver. Il joue super bien en plus ce moment-là où il essaie d'être courageux, il essaie d'être courageux et puis à un moment il craque. Bah, il plus, non, tu peux pas, là. Ça, c'est pas. Alors c'est un couloir façon salle de tir de toute façon. Si jamais il y en a qui ont vu des salles de tir avec du tir à 20 mètres, c'est à peu près la même chose comme type de salle. Oui, surtout qu'ils y vont à la mitrailleuse. Hein, et là ils y vont à la mitrailleuse. Donc il faut imaginer un grand couloir avec 4-5 mitrailleuses d'un côté, le mur qu'il faut atteindre de l'autre. Voilà, t'as peu de chance de t'en sortir. Mais au début, en visant toujours les pieds. Oui, de toute façon, à dire, allez, cours. Voilà, t'as une chance. Puis après, en commençant à viser, voilà, en tirer dans la cuisse, enfin l'épaule, puis après la cuisse, en disant, tiens, tu vas en chier un peu plus pour courir. Mais oui, puis là, c'est là qu'il y a des fumigènes qui n'étaient pas prévus. Oui, le bison commence à balancer des grenades pour faire diversion et puis pour récupérer le personnage de Lino Ventura avec une corde. Au début, je croyais que c'était les Allemands qui balançaient ça. Je me disais, mais ils sont complètement cons. Ils s'amusent un peu. Au début, moi aussi, en voyant le film, je me suis dit, tiens, ils y vont quand même fort, les Allemands. Qu'est-ce qui leur arrive? Et juste avant de rentrer dans cette salle-là, t'as toute la scène où ils marchent dans le couloir qui est rythmée au bruit des pas militaires, qui est encore une fois une scène sous tension incroyable. D'ailleurs, il y a une transition dans le film, une transition pas militaire à un moment. Que j'ai trouvé assez intéressante, entre deux plans complètement différents, où on entend juste les pas militaires qui finissent une scène et qui reprennent à la suite de la scène d'après. Mm-hmm. Et du coup, il y a des fois des transitions musicales, des fondus et tout ça, mais là, il y a le fait qu'il y ait cette continuité de son, j'ai trouvé ça intéressant dans le montage. Ouais, celle qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment, comme je disais, celle où ils vont récupérer en ambulance, donc avec Simone Signoret, tout ça. La mise en place du plan, l'accomplissement du plan. Qui est une tentative de plan d'évasion où ils doivent donner des papiers comme quoi ils vont récupérer un terroriste pour un transfert. Et là, ils prennent les papiers, ils rentrent, et là, il y a l'ambulance qui attend devant le bâtiment, et on attend. On attend en même temps que les personnages de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, les portes vont peut-être s'ouvrir, ils vont se prendre un coup de mitrailleuse dans la gueule, on ne sait pas. La scène est incroyable parce que la scène est faite de plusieurs étapes. Voilà, parce qu'il y a un sas après. Il y a une attente à chaque étape, mais à chaque étape, on continue à avancer, si bien qu'on pense que tout va bien se passer, pour au final se prendre un grand stop dans la gueule. C'est un gros stop qui est inévitable, en plus, qui est même pas. Voilà, le médecin de la prison qui dit bah, désolé, il n'est pas transportable parce qu'il est dans un trop sale état, le prisonnier. D'accord, et voilà, et là la difficulté du coup des résistants de dire bon ben d'accord, pas de problème. Et puis surtout de devoir encaisser la nouvelle sans le laisser, sans le laisser transparaître. Sans laisser transparaître et en sachant qu'ils ne pourront pas refaire ce plan là parce qu'ils seront grillés au niveau des papiers. Après, dès qu'il y a vérification, c'est mort. Le plan, ils ne peuvent plus le réeffectuer. Donc ça veut dire que c'est foutu pour le récupérer quoi qu'il arrive. Mais ils sont je signerais, mais ils sont tous les trois extraordinaires dans cette scène-là. Mais elle, parce que la caméra, vu qu'elle est au milieu, c'est sur elle que ton regard se porte le plus. Ouais, et puis que c'est plus ou moins son plan. Voilà. Et tu vois vraiment la personne qui retient toute sa tristesse d'éclater. Et puis à un moment, elle voit aussi le tableau des personnes recherchées avec la photo de, la photo de Ventura. En disant, bon, là, elle a du mal à cacher sur le coup. Oh merde. Mais après, du coup, elle sait qu'il faudra qu'elle le prévienne très vite, parce que ça va chier pour lui, parce qu'il est vraiment recherché, quoi. Mais c'est vrai que Signoret, dans ce film, elle est toujours extraordinaire, Signoret. Apparemment, ça serait celle qui en aurait moins chié pendant le tournage. Melville aurait été plutôt sympa avec elle du début à la fin. De ce que j'ai entendu dans tous les gens qui en ont parlé, c'est surtout que, à ce moment de sa carrière, une aura tellement incroyable et surtout international que Melville aurait même pas osé en fait essayer de mal la traiter. Mais elle s'en rendait pas compte, hein. Elle, c'était une actrice talentueuse mais qui s'ignorait. Ah putain, la vache. Mais tu vois, c'est comme à la fin quand ils vont dans la voiture pour l'attendre dans la rue. Il y a vraiment ce questionnement à la fin où tu vois son visage parce qu'elle est dans la rue, donc potentiellement elle a parlé à la Gestapo. Mais de toute façon, c'est sûr qu'elle a parlé, vu qu'il y a deux résistants qui se sont fait choper. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'est fait arrêter, et juste après, il y en a deux qui se sont fait choper, donc c'est comme s'il y avait un point. C'est plus ou moins dit clairement qu'elle a parlé, qu'elle va... Enfin, c'est ce qu'explique Saint-Luc, elle a parlé, et pour une raison ou pour une autre, elle temporise, pour donner les noms les plus importants, mais elle a parlé, parce qu'on a menacé sa fille. Pour ça, je pense qu'on peut faire confiance à ce que dit Saint-Luc, à mon avis. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est le fait qu'il n'y a pas de nouvelles. À un moment, il n'y a plus de nouvelles vers la fin. Et du coup, quand il voit qu'elle est dehors, elle aurait pu transmettre des nouvelles, mais non. Elle est dehors sans problème, quoi. Dans sa vie de tous les jours. Et effectivement, elle accepte son sort, même. Elle ne cherche pas à s'enfuir. Elle voit le flingue et elle fait... C'est vrai, mais justement, le jeu de Signoret, moi, c'est vraiment... C'est dur à lire. Hein. C'est dur à dire. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait ou est-ce qu'elle l'a pas fait? Pour moi, elle l'a vraiment. Le jeu est vraiment juste à ce moment-là. Pour moi, c'est clair que si elle est sortie, c'est qu'elle a accepté de collaborer. Après, jusqu'où elle est allée dans ce qu'elle a dit, ça, on le sait pas. Après, on peut imaginer qu'elle en a dit plus qu'on ne pense, parce que tous les autres se font choper finalement peu de temps après, au vu des écrans qui suivent. Mais il y a tout cette idée. J'aime bien en fait le fait que Luc présente. Aux autres, pour justifier la mort de Signoret, il dit « Mais si elle a temporisé comme ça, c'est qu'elle veut se faire tuer, c'est qu'elle veut qu'on la tue, parce qu'elle ne peut pas se suicider, elle ne peut pas échapper à ça, mais en même temps, elle ne veut pas nous dénoncer non plus, donc le seul moyen de la sortir de ce dilemme, c'est de la tuer. » Mais il n'y a aucun moment où on a confirmation, c'est pas comme si elle faisait un petit sourire aux autres pour leur dire « Oui, je veux que vous me tuiez. » Non, elle dit rien, si ça se trouve, elle voulait pas du tout mourir, elle non plus. Son jeu est incroyable à ce moment-là. Mais elle accepte son sort. C'est vraiment, il y a un long moment, enfin il y a un moment qui semble long, c'est-à-dire quelques secondes, mais ça semble long, où elle a le flingue pointé vers elle, elle s'arrête, et elle reste de face, et elle attend de se faire tuer. Après, est-ce que c'est qu'elle accepte, ou est-ce que c'est qu'elle voit ses anciens amis pointer un flingue sur elle, et que du coup elle est immobilisée? Là, pour le coup, je suis d'accord que le jeu est volontairement ambigu, de manière à ce qu'on puisse pas vraiment dire. On a envie de dire qu'elle est héroïque, mais peut-être qu'elle l'est pas du tout, finalement. On n'a pas de preuve. Et puis sinon, c'est juste après qu'on a l'encart de fin avec chaque tête qui a son sort. Et c'est à ce moment-là que, dans la toute première version, le défi allemand avait lieu. Et du coup, ça aurait remis une grosse fournée de drame, en fait. Parce que, genre, les personnages, on apprend ce qui leur arrive et pouf, le défi allemand. Bon. Moi, ça m'aurait fait rire, mais... Mais c'est peut-être pas plus mal, en fait, que ce défilé soit mis en début de film. Ce qui est pas plus mal aussi, c'est qu'à l'époque, les films sortaient en avant, enfin, au départ, seulement à Paris, parce que si la monteuse et Melville avaient dû courir dans toute la France pour couper les bobines... Quand j'ai lu cette anecdote-là... Bon, allez, on part en vacances pour 3 semaines, hein. Non, quand j'ai lu cette anecdote-là, il disait bien que le film était en projection donc que dans 8 salles. Ouais, c'était, voilà. C'était la norme à l'époque. C'est ça. Non, parce qu'un montage, t'en as bien pour 1 heure sur place, pour tout refaire ton bordel. Donc déjà, voilà, t'as fait ta journée, hein, donc, ces 8 salles-là. Et donc, ce qui est rigolo, c'est de se dire que dans la même journée, il y a des gens qui, le matin, ont vu le film avec la séquence à la fin, et il y a des gens qui l'ont vu avec la séquence au début. Voilà, dans la même journée, il y a deux scènes, il y a deux versions de ce film pour exister. Et donc, il y a une des 8 salles où la monteuse était en train de travailler pendant la projection, et donc il y a Melville qui est venu devant l'écran et qui a fait le défilé tout seul en chantant en allemand. Les gens ont trouvé ça bizarre. Je pense pas que ça soit le genre de Melville. Hein. Lui qui était quand même assez discret et qui n'aimait pas trop se montrer. Est-ce qu'on a fait le tour de l'armée des ombres? Je pense, oui. Moi, personnellement, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que c'est un film extraordinaire. Ouais. Si ce n'est... Si, à ce moment-là du podcast, vous êtes encore là et que vous ne l'avez pas vu, bah, qu'est-ce que vous faites encore là? Sachant que vous pouvez encore le voir malgré le fait qu'on est spoilé, parce que finalement, il y a quand même plus de richesse que ça dans le film. Et rien que les moments de tension sont intéressants. C'est même un film où, pendant... la préparation de ce podcast, je me disais, est-ce qu'on met vraiment une zone spoiler? Ouais. Est-ce que ça nécessite vraiment une zone spoiler? C'est un film dans lequel on peut parler sans forcément se concentrer sur des éventuels spoilers, en fait. Parce qu'il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas de... Voilà. Sinon, petite anecdote personnelle à la con, quand il y a eu... quand il y avait les scènes de tension dans la tête, j'avais la musique de tension de The Thing, de Carpenter. Pourquoi pas? Tu sais, le petit... Et on finira par parler. Je me disais que ça collait bien. Mais même dans les moments pas vraiment de tension, parce que quand le personnage de Ventura est tout seul à la fin dans la maison, parce qu'il vient de s'évader, donc il faut qu'il fasse profil bas à un moment, on peut pas dire que ce soit un moment de tension, c'est juste qu'il attend, qu'il s'impatiente, qu'il se sent inutile. Et c'est vachement intéressant ce moment plein de mélancolie, de rage en fait, de rage impuissante. Mm. Où il s'occupe comme il peut, il fait des travaux, il pose le lino, tu vois. Et il dit que son seul contact avec le monde extérieur, c'est les 5 livres qu'on lui a laissés. Ouais. Ils ont l'air chiants, en plus. Un truc sur les mathématiques, là. Ouais. Il aurait pu lui laisser un ou deux SAS. Mais t'es con. Mais vu l'ambiance, sinon, du film en général, ça aurait été tout à fait crédible que même à ce moment du film, il y ait les Allemands qui arrivent et qui s'en prennent dans la gueule, quoi. C'est... ça aurait pu. Donc là, il y a même des moments de scène calmes, t'as un doute. Et c'est quelque chose qu'on trouve pas beaucoup dans les films maintenant. Il y a beaucoup de films qui sont très formatés, très... Il y a déjà le plan qui est fait, qui est quasiment copié-collé. Là, on a le doute quasiment tout le long du film. On sait pas ce qui va arriver au personnage pendant tout le long du film. Ouais, clairement, ça serait un film... Enfin, ça serait un film difficile à faire aujourd'hui. Ouais, les normes n'ont tellement plus rien à voir. Les gens sortiraient le premier quart du film en disant « Ah putain, c'est long hein. !» Ah, peut-être pas, mais voilà. Déjà, à l'époque, il était assez en dehors des normes, hein, ouais. Je pense, quand même. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'il est assez moderne, finalement. Non, je trouve qu'il a très, très, très bien vieilli. Oui, clairement. Mais ouais. Encore une fois, comme tout son cinéma, mais c'est vrai que Melville était très, très avant-gardiste. Bah, il avait une grosse inspiration sur le cinéma américain. C'était ce qui a créé sa cinéphilie. C'est le cinéma américain et la littérature anglo-saxonne. Et lui, en retour, a eu une énorme influence sur la nouvelle vague américaine et aussi sur la nouvelle vague hongkongaise. Oui. Bah, et japonaise, d'ailleurs, même. Oui. The Killer, c'est une relecture par John Woo du Samouraï. John Ito avec pour projet de remaker Le Cercle Rouge, ou Le Deuxième Souffle, je ne sais plus lequel des deux. Je crois que c'était Le Cercle Rouge. Le Cercle Rouge. ça aurait de la gueule. Oui, bah après, le cinéma de John Ito, certains de ses films policiers ont un gros côté Melville, hein, dans l'ambiance d'un The Mission ou PTU, il y a un côté Melville, je trouve. On sait que Tarantino aime beaucoup Melville. Oui. Mais plein de... Je crois que Kitano est fan de Melville aussi. Mais, enfin, c'est incroyable de se dire que ce mec a marqué le cinéma mondial alors qu'il n'a réalisé que 13 films dans toute sa carrière. Oui, bah, comme un Kubrick, hein, en soi. Il n'a pas réalisé beaucoup plus de films, je crois, Kubrick. Et Kubrick était encore pire comme réalisateur avec, avec ses acteurs. Oui, c'est potentiellement pire, ouais. Probablement. Lui aussi, il en reviendra sans doute un jour. Mm-hmm. Oui. Il y a des anecdotes. Bah après, Melvin, il s'est excusé auprès de Ventura. Il lui a offert des pralines au Ventura. je pense qu'il est... Ouais, je crois qu'il faut qu'on arrête, là. D'arrêter ce podcast avant que Issam ne termine d'écrire son 4e One Man Show. Ouais, ouais. Avec que des jeux de mots sur Nino Ventura. Vous pourrez le retrouver aux Folies Bergères et au Théâtre des Bonnes Bouffes parisiennes. Et à la main dehors. Il donne un spectacle devant un certain Emmanuel M. Je ne sais pas, qui c'est. Il envoie des messages pendant le spectacle en lui disant que le président est dans la salle. Ouais, c'est ça, c'est un traquenard. Alors, il fallait bien qu'on en parle de, notre Manu à nous. Il est temps maintenant de vous laisser. On va se retrouver dans un mois. Cette fois-ci, on va parler d'un film un peu plus détente. On va parler de Monty Python, Sacré Graal de Terry Jones et Terry Gilliam. On va quand même terminer ce podcast avec une citation. Je vous ai sélectionné une petite citation. Une petite citation de Joseph Kessel, issu de son roman L'Armée des Ombres. On vit une époque assez trouble avec les grèves, tout ça. Et parler de l'Armée des Ombres, ça a fait bouillonner mon cœur de résistant et mon cœur de gros gaucho. On va terminer avec une citation. Si tous les corps de la nation étaient unis et résolus autant que le sont les cheminots, nos groupements de résistance n'auraient pas grand mal à travailler. Joli. Vive la révolution. Et vive la grève. À dans un mois. Bye. À plus.